Figaro se remémore alors tous les déboires de sa vie passée, notamment dans ses entreprises d'écrivain. Je voudrais bien tenir un de ces puissants, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits.